comme parachute. J'attends pas la FIFA, un lambeau, un féfé. Comme je suis en feu, ils veulent couper le flanc. J'ai pas joué en deux, la FIFA c'est le fou. Y'a énormément de choses que j'ai pas fait. J'suis pas parfait, j'ai grave faim. Petit, j'voyais un grand comme un plasma. Conseillère, j'dois augmenter mes bluffs ou j'ai changé de placement. Coup de cric, bête, bête, 450 pas un MZ. J'suis pas un acteur, j'suis pas un Denzel. Mes péchés me suivent, j'ai fait trop de scènes en Zenzel. Même si j'me noie dans l'eau, j'aime Zen. J'ai mon feu, si un problème, j'ai. Retourne en roue comme un trompette. Ça joue de la guitare comme dans un orchestre. Mais cette fois-ci, j'ai pas mis la 35ème. J'ai plus 5 ans. Prochaine fois, un contrat, plus de 5 points. J'ai les cartes touchées jusqu'à temps. J'ai comme assassin, m'arrive juste à temps. Poisse-moi, j'suis un poisse-moi. J'ai collé les billets comme poisse-moi. Mais j'suis pas solo dans mes pensées-moi. Comme un porte, mon cœur, il est cassé, cassé. Y'a encore une cœur sur mon palais. Mais mademoiselle veut un palais à palais. Y'a contre des mises sur mon palais. Et c'est mes cristaux, je leur donne pas leur l'or. Y'a encore les cœurs sur mon palier. Et mademoiselle veut un palais à palais. Beaucoup trop d'ennemis sur mon palais. Et c'est mes cristaux, je leur donne pas leur l'or. Si je veux pas de colle, j'suis comme Bagbo. J'ai même pas de bol, j'suis entouré de caméras, j'en ai ras le bol. J'aime les gros culs, demande à Nika Paul. Non, j'passe tous les vitesses, j'suis un meudon pour du business. Mais j'mets la visière, celui qui teste. Sur ma grand-mère, j'le laisse en PLS. Dans PLS, normal sans GPS. J'vois pas les panneaux dans GTS. Coupé, t'as zippé, coupé, on aime pas les foutaises. J'suis la queue pour les pupettes. Y'a un truc à l'prendre, on l'prend. Dans le range, habillé en blanc. Choisis bien ton plan, choisis bien ton camp. Y'a un lit qui se tirait qu'on coupe ta jambe. Bref, j'suis trop sous weed, j'suis pas trop juif, j'suis pas sous. Ramenez-moi, je vais les cogner en fil. En cabine, j'ai peur de casser la vie. Tic-tac, un problème, mon rex en flic. Flap, je porte les douces comme des tic-tac, tic-tac. J'ai plus le temps, j'ai plus le tic-tac. Faut de 5ème, j'ai plus 5 ans. Prochaine fois, un contrat, plus de 5 points. J'ai les cartes touchées jusqu'à temps. J'aime comme assassin, m'arrive juste à temps. Poisse-moi, j'suis un poisse-moi. J'ai collé les billets comme poisse-moi. Mais j'suis pas solo dans mes pensées morts. Comment porte mon cœur, il est cassé, cassé. Y'a encore les keufs sur mon palais. Mais mademoiselle veut un palais à palais. Y'a contre des mises sur mon palais. Et c'est mes fistons, j'en donne pas leur l'or. Y'a encore les keufs sur mon palier. Et mademoiselle veut un palais à palais. Beaucoup trop d'ennemis sur mon palais. Et c'est mes fistons, j'en donne pas leur l'or.